sûr. J'en ai rien à foutre. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, allez, foutez-vous de ma gueule. Bien sûr, bien sûr. J'en ai rien à foutre. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, allez, foutez-vous de ma gueule. Et voilà, donc vous pouvez nous appeler au 0803 08 5000 et 0870 5000. Fidar vous attend au standard. Apparemment les 24 kings sautent. Et toujours Rigo qui vous entend sur l'internet, voilà, donc internet. Attends, bien sûr, bien sûr, j'en ai rien à foutre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, allez, foutez-vous de ma gueule. Bien sûr, bien sûr, j'en ai rien à foutre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, allez, foutez-vous de ma gueule. Donc, premier débat va porter sur les jeux télé. On va accueillir je pue la crotte. Plus jamais merde, toi, qu'est-ce qu'une pelle, hein? Qu'est-ce que c'est que ces noms? Eh, continuez comme ça, vous allez. Allez, enchaîne un peu, là. Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Bien sûr, bien sûr, j'en ai rien à foutre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, allez, foutez-vous de ma gueule. Bien sûr, bien sûr, j'en ai rien à foutre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, allez, foutez-vous de ma gueule. Bien sûr, gueule, gueule, gueule, gueule, gueule, gueule.